الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Lumat al-Atiqal, la lumière de la foi, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi et l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan. Concernant le mat, donc ce que normalement chacun d'entre nous doit connaître, c'est la parole du Mu'allif, Alhamdulillah, Al-Mahmoudi, بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفد حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. Qui peut réciter ce qu'il a appris? نعم. الذي لا يخلو من المكان ولا يشغله شأن عن شأن جل على الأشباه والأنداد وتنزه عن صاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد وتمثله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. ما شاء الله. Qui d'autre? Au moins trois qui récitent par semaine. Jawad. بسم الله المحمود بكل لسان المعبود في كل بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المعبود المحمود نعم بسم الله المحمود نعم بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه المكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى وحظ بكل شيء علما أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. إن شاء الله حسبك. كي دوتر مدعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيئا شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام في أسماء الله تعالى الكلام في أسماء الله وصفاته له الأسماء الحسنى والصفة العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وحكمة. نعم حسن تبارك الله فيك. Donc la semaine dernière on avait expliqué la parole du mu'allif ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه في جميع العباد ça signifie que ونفذ حكمه في جميع العباد que le jugement d'Allah Azza wa Jalla est appliqué sur l'ensemble de ses serviteurs, sur l'ensemble des serviteurs. Il est appliqué, c'est-à-dire que le destin d'Allah Azza wa Jalla, tout le monde y est soumis. Que la prédestination d'Allah Azza wa Jalla, tout le monde y est soumis et que quoi que tu fasses, tu le feras toujours par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur a dit « La tumathiluhu l'uqul bit-tafkir » La tumathiluhu l'uqul bit-tafkir, c'est-à-dire que les cerveaux, les raisons ne peuvent pas lui donner de semblable, même en approfondissant leur réflexion, et également que les cœurs ne pouvaient pas le soupçonner en lui donnant une image. Car, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir » Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et on a expliqué ce verset en disant qu'il se séparait en deux, la première partie qui est une négation, Allah Azza wa Jal nie toute ressemblance à lui subhanahu wa ta'ala, et l'autre partie du verset qui est al-ithbat, qui est qu'Allah Azza wa Jal atteste qu'il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et de ce verset on en déduit que le fait d'attester qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue, cela ne veut pas dire que l'on fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses créatures. Il n'y a pas de corrélation entre le fait d'attester et d'attribuer à Allah azza wa jal des attributs comme l'ouïe, comme la vue, comme le visage, etc. Cela ne veut pas dire que l'on fait ressembler Allah azza wa jal à ses créatures, car rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la chose que tu peux t'imaginer, quels que soient les efforts que tu fais dans ta réflexion pour essayer de trouver un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'y arriveras jamais, car rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a les noms, lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula, a les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes. Puis l'auteur a cité la parole d'Allah Azza wa Jalla dans sourate Taha, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Allah Azza wa Jalla est établi de façon réelle au-dessus de son trône. Comment est-ce qu'il est établi? Allahu a'lam. Et on ne doit pas comparer l'établissement d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de son trône comme ses créatures s'établissent sur un trône. D'accord? Et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux, dans la terre, ou ce qu'il y a entre les deux, et également ce qu'il y a, wa ma tahta as-sara. As-sara, c'est la terre. Et tout appartient à Allah azza wa jalla, ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur la terre, entre les cieux et la terre, et également sous terre, comme tout ce qui est, comme matériaux précieux, et également tous les morts qui sont contenus dans la terre, sont appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également Allah azza wa jalla connaît toutes les paroles qui sont entendues comme celles qui sont les plus secrètes. Si on avait expliqué la parole de l'auteur, ahata bi kulli shay'in ilma, Allah azza wa jalla a la science de toutes choses, wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Et Allah azza wa jalla a qahara kulla makhluq, c'est-à-dire que toute créature est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala par sa force et par son commandement. Tout le monde est soumis à la force d'Allah Azzawajal et tout le monde est soumis au commandement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم قال المؤلف ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كما في سورة طه. Puis l'auteur dit, rahimahullah, et toute chose où la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ainsi que sa science englobe toute chose, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il connaît ce qu'il y a avant eux, ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière eux, et eux n'ont aucune science ou n'ont pas de science à son sujet. Et eux n'ont pas de science à son sujet, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Taha, le verset 110. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وسع كل شيء رحمة وعلم أي وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. La miséricorde d'Allah Azzawajal ainsi que sa science englobe toute chose, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et ma miséricorde englobe toute chose ou est plus vaste que toute chose. وسعت كل شيء وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Également, la science d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose, comme cela est cité dans le verset, il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Et il sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre. علمه وسع الأشياء كلها بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. Donc rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sa science englobe toutes choses, contrairement à ces créatures qui connaissent des choses et sont ignorantes de beaucoup d'autres. Contrairement à ces créatures d'Allah azza wa jal, qui connaissent certaines choses et qui en ignore beaucoup d'autres. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء كل الأشياء يعلمها الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء حتى الكفار وسعتهم رحمة الله عز وجل بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه هذا من رحمته جل وعلا. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur de toutes choses, rien ne lui échappe. Il est au courant et sait parfaitement chaque chose présente dans cet univers, et également sa miséricorde englobe toute chose, même les non-musulmans. Ils sont atteints par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où Allah azza wa jalla leur donne leur pourvoyance, où Allah subhanahu wa ta'ala les guérit lorsqu'ils sont malades, et qu'Allah Azza wa Jal leur accorde ce dont ils ont besoin, et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta al-hayawanat ta'ish tahta rahmatillah ta'ala yu'tiha wa yarzuquha wa yu'afiha wa yashfiha min al-amrad wa yusakhkhiruha lil'atfi 'ala awladiha ma'a annaha la tarju min awladiha shay'a wa hada ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها رحمة من الله تبارك وتعالى هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء الحيوانات والمؤمنين والكفار. Et même les animaux vivent sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui leur donne, c'est Allah Azza wa Jal qui leur donne leur pourvoyance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne la guérison après maladie, et c'est Allah Azza wa Jal qui leur donne le fait d'avoir de l'affection et de l'attention envers leurs petits, malgré que leurs petits ne leur sont d'aucune utilité, et le fait qu'elle soit gentille et qu'elle soit attentionnée envers son enfant. Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toutes choses, les animaux, les croyants et les non-croyants. هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله تعالى في الآخرة. Et ceci, cette miséricorde d'Allah azza wa jal, concerne la vie d'ici-bas. Quant à l'au-delà, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sera propre aux croyants. Quant aux non-musulmans, ils ne pourront pas espérer d'être englobés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Puis, Cheikh Fawzan explique le verset que l'auteur a cité, « Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma » Il sait ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux, et ils n'ont pas de science à son sujet. « Ya'lamu ma bayna aydihim » Il sait ce qu'il y a devant eux, c'est-à-dire, il sait « Ya'lamu ma madha » Il sait ce qu'il y a devant eux, وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْنِي مَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ Il sait, Allah Azza wa Jal connaît le passé et connaît le futur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé et connaît le futur. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Et eux n'ont pas de science à son sujet. C'est-à-dire que les serviteurs n'ont pas de science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où ils n'ont pas connaissance de l'essence d'Allah Azza wa Jal, ni de ses noms et attributs. Et ceci, la ya'lamuhu al-ibad. Wa hada la ya'lamuhu al-ibad illa ma atla'a Allahu al-ibad alayhi min ajli an ya'rifuhu subhanahu wa ta'ala wa ya'buduhu wahdahu la sharika lah fala 'ilma lahum illa ma 'allamahum Allahu jalla wa 'ala hatta al-mala'ikata yaquluna subhanaka la 'ilma lana illa ma'allamtana. Donc les serviteurs ne connaissent rien d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf bien sûr ce qu'Allah azza wa jalla leur a permis de savoir, sauf ce qu'Allah azza wa jalla leur a permis de savoir. Dans quel but? Dans le but qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but qu'ils l'adorent et dans le but qu'ils l'unifient dans leur adoration et qu'ils ne lui associent personne. Ils n'ont donc de science que la science que leur a accordée Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges sont concernés par cela, car ils disent, comme cela est cité dans le Coran, « Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana » Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. ثم يقول المؤلف موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. Puis l'auteur dit qu'Allah عز وجل est doté des attributs qu'il s'est donné à lui-même dans le livre saint et que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est rapporté dans le Coran, et tout ce qui est rapporté de façon authentique, d'après son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, concernant les attributs du tout miséricordieux, il est obligatoire d'y croire. Il est obligatoire d'avoir la foi et de croire en ces attributs. موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وهو القرآن. الله عز وجل est doté des attributs qu'il s'est lui-même donné dans son livre saint qui est le Coran. وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. Également, الله عز وجل est doté des attributs que lui a attribué son prophète صلى الله عليه وسلم dans sa sunna. فالأسماء والصفات توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أن نحدث له صفة لم يصف بها نفسه ولا نحدث له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Les noms et attributs d'Allah سبحانه وتعالى sont donc tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifi? Ils sont arrêtés. Ils sont définis, on dirait plus, ils sont limités. les noms et attributs d'Allah Azzawajal sont limités. Tawqifiyya, il est interdit d'innover un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'innover un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons attribuer à Allah Azzawajal ou donner à Allah Azzawajal les attributs qu'il s'est lui-même donné ou que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour les noms. Nous devons donner comme nom à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné lui-même ou ce que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Allah Azzawajal s'est donné lui-même dans le Coran ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunna authentique. هذا معنى قوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم لأنه لا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله. Et ceci pourquoi? Car qui connaît mieux Allah si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui connaît mieux Allah après Allah si ce n'est son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فَنَحْنُ مُتَّبِعُونَ وَمُقْتَدُونَ لَا نُحْدِثُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا. Nous devons donc faire partie de ceux qui suivent, de ceux qui suivent et qui prennent comme guide et non pas de ceux qui innovent des choses provenant de nous-mêmes. وَاسْتِحْسَانَاتِنَا وَأَفْكَارِنَا وَعُقُولِنَا هذا ممنوع في حق الله جل وعلا. Ou bien de dire tel nom est beau, pourquoi ne donnons-nous pas ce nom à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien d'attribuer ou de donner à Allah azza wa jalla un attribut selon notre façon de penser, un attribut qui est beau, qui a un bon sens, et de le donner à Allah azza wa jalla, cela est interdit et surtout vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. Ceci, يعني lorsque l'auteur dit et tout ce qui est rapporté dans le Coran et tout ce qui est rapporté de façon authentique d'après le prophète صلى الله عليه وسلم comme caractère d'Allah عز وجل ou comme attribut du tout miséricordieux, il est obligatoire d'y croire. Il est obligatoire d'y croire. Cheikh Fawzan حفظه الله dit هذا شرح للجملة التي قبلها. كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخبر به عن ربه جل وعلا وجب الإيمان به والتسليم. Donc ceci explique la première phrase. La deuxième phrase explique la première, à savoir que يعني, tout ce qui est rapporté dans le Coran et tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a informé, nous devons y croire et surtout nous soumettre, wajab al-iman bi wa at-taslim. Il est obligatoire d'y croire et de s'y soumettre. Fa nathbutuhu kama athbatahu Allah wa kama athbatahu Rasulullah la natadakhkhalu bi afkarina wa 'uqulina wa tasawulatina fi dhalik لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه وإنما يجب علينا التسليم والإيمان والقياد هذا شأن العبد. Donc nous devons attribuer les noms, ou nous devons donner les noms et attributs d'Allah Azzawajal comme Allah Azzawajal se les a donnés ou comme lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans rentrer notre réflexion dedans ou nos raisons ou nos interrogations, car tout ceci fait partie des choses qui sont limitées, à ce qui est rapporté dans le Coran et à ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous est donc interdit d'entrer dans les profondeurs de ceci ou de rentrer dans les sens profonds de ceci, mais nous devons uniquement nous contenter de nous soumettre et de croire au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد. Donc وتلقيه بالتسليم والقبول. Nous devons accepter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou nous devons les prendre en les acceptant et en nous soumettant, en acceptant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et en nous soumettant à ces noms et à leur sens. Et délaisser le fait de contredire cela, de contredire les sens ou les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Fawzan explique, j'ai continué l'explication de la deuxième phrase que l'on a citée, tout ce qui est rapporté dans le Coran ou apporté ou arrivé de façon authentique depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme caractère du tout miséricordieux, il est obligatoire d'y croire. Cheikh Fawzan continue son explication, il dit: wa aydan la farqa bayna ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi wa bayna ma athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnati wa kullu ma sahha fi sunnati min asma'illahi wa sifatihi wajaba al-iman bih kama yajibu al-iman bima fi al-Qur'an بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال فهذه طريقة ضالة. Également, Cheikh Fawzan Hafidhahullah donne plus d'explications en disant qu'il ne faut pas différencier entre ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même ou ce que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est rapporté de façon authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons y croire comme tout ce qui est rapporté dans le Coran. Et nous ne devons pas différencier entre cela. Nous ne devons pas différencier entre cela, contrairement à ceux qui ne prennent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une source de révélation, comme une source de preuve. Car parmi les sectes, il y a des sectes qui ne croit que en ce qu'il y a dans le Coran. Sur le Coran, ils disent nous ne croyons que ce qu'il y a dans le Coran. La sunna du prophète sallam, nous ne la prenons pas en considération. Ceci est un égarement profond. Et il y a ceux qui disent nous ne prenons de la sunna du prophète sallam que ce qui est rapporté de façon mutawatir. De façon mutawatir, et on l'a vu dans les cours précédents, que al-hadith al-mutawatir, c'est le plus haut degré d'authenticité dans un hadith. C'est un hadith qui est venu de plusieurs chaînes de transmission qui ne laisse aucun doute. Il y a les hadiths qui sont ahad, c'est-à-dire qui sont authentiques, mais n'ont pas atteint le degré de tawatur, de At-Tawatur. Et certaines sectes disent que en ce qui concerne les choses invisibles, en ce qui concerne les choses en rapport avec la croyance, nous ne devons prendre en considération que les hadiths qui sont mutawatir et non pas les hadiths ahad. Et ceci les a amenés à ne pas croire en Al-Masih Ad-Dajjal, à ne pas croire également au nuzul de Isa et également au châtiment de la tombe. Pourquoi? Car ils disent que les hadiths qui rapportent le châtiment de la tombe sont des hadiths qui sont ahad. Ils sont authentiques. Car les hadiths, il y a plusieurs, on peut séparer de plusieurs façons les hadiths. Soit on dit qu'ils sont mutawatir ou soit on dit qu'ils sont ahad. Ou bien on peut dire qu'ils sont sahih, hassan et da'if. Il y a deux façons de séparer les hadiths. Mais le fait de dire qu'un hadith est ahad, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Il est authentique, mais il n'a pas atteint le plus haut degré d'authenticité. Les savants, rahimahullah, ont écrit plein de livres pour répondre à cette ambiguïté du hadith ahad, et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé ses compagnons pour transmettre l'islam, et la première chose à transmettre, c'est Shahada, c'est l'attestation qui n'a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, est-ce qu'il a envoyé 50 compagnons ou est-ce qu'il en a envoyé un seul? Un seul. Donc le fait d'envoyer une seule personne en qui on a confiance, d'accord, permet ou justifie le fait d'accepter ces informations. D'accord? Et d'autres preuves que les savants ont citées dans les livres qu'ils ont écrits justement pour répondre à ces sectes qui soit ne prennent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme source de révélation, comme source de preuve, ou ceux qui ne considèrent pas les hadiths ahad comme étant des hadiths que l'on prend en considération en termes de croyance. Et parmi les preuves que les savants ont citées également, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, il viendra un temps où une personne sera accoudée et dira « Hada kitabullah » فما وجدتم فيه من حلال فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. Il viendra un temps où la personne sera accoudée, c'est-à-dire il sera allongé et appuyé sur son coude et dira voici le livre d'Allah, ce que nous y trouvons d'interdit nous l'interdisons et ce que nous trouvons d'autorisé nous l'autorisons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith à la fin pour répondre à ces personnes égarées et pour mettre en garde ses compagnons sur ces personnes qui vont venir par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala innama harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est une révélation. Comme Allah azza wa jalla dit « Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ». Il ne parle pas par passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. ما يقول الشيخ فوزان فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc tout ce qui est rapporté de façon authentique d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, que ce soit متواتر أو آحاد dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire d'y croire et de s'y soumettre. Et la preuve est la parole d'Allah azza wa jalla lorsqu'il dit dans sourate Al-Hashr le verset 7 وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et également la parole d'Allah azza wa jalla lorsqu'il dit dans sourate Al-Najm les versets 3 et 4, il ne parle pas par passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به والتصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك ومن فرق فإنه يكون من أهل الضلال مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب الرسول كفر. Donc tout ce qui est apporté de façon authentique d'après le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce chapitre, le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire d'y croire et il est obligatoire de considérer cela vrai et d'appeler Allah azza wa jal et de le caractériser par ceci, d'appeler Allah azza wa jal par ses noms et de lui donner ses attributs. Comme cela est rapporté dans le Coran, sans séparer ou sans différencier entre eux, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui différencie entre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens égarés, de ceux qui traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur et ceux qui considèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui le traitent de menteur entrent dans la mécréance wal'iyadu billah. وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد. يقول المؤلف وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد. Et il faut accepter toutes ces sources du Coran et de la Sunna qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, de les accepter avec soumission, de les accepter en se soumettant et de délaisser toute contradiction et de délaisser toute forme de contradiction. تلقيه يعني قبوله وتلقيه يعني حفظه وحفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعله أهل الضلال. De l'accepter, c'est-à-dire d'accepter, c'est-à-dire d'apprendre par cœur, d'apprendre les chaînes de transmission et d'en parler. C'est-à-dire lorsque tu connais un nom d'Allah Azza wa Jal, utilise-le. Lorsque tu connais un des attributs d'Allah Azzawajal, utilise-le également. Et accepte-le sans faire de contradiction, car cela provient d'Allah ou provient de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans de telles situations, nous devons nous soumettre et ne pas contredire et ne pas rentrer nos raisons et nos réflexions dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ont fait les gens égarés. Car ceux qui sont égarés dans les noms et attributs d'Allah azza wa jal, c'est ceux qui sont partis trop loin, ceux qui ont dépassé la limite de réflexion et la limite de soumission. Et on dit, on ne peut pas attribuer à Allah azza wa jal l'ouïe. Comment attribuer à Allah azza wa jal l'ouïe? Comment dire qu'Allah entend alors que nous également nous entendons? C'est en se posant de telles questions que ces personnes se sont égarées, wa l'ayyadu billah. Naam. Par exemple, tu sais que Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, Al-Qawiyyul Aziz. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal et que tu as besoin qu'on te vienne en aide, eh bien dis Ya Qawiyyu, Ya Aziz. On y appelle Allah Azza wa Jal par ses noms. Et tu le connais, fais en sorte de les utiliser, d'en comprendre le sens et que cela te soit bénéfique. Car parmi les buts de connaître les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Et quand tu connais un des attributs d'Allah Azza wa Jal, cela va faire en sorte que tu adores mieux Allah subhanahu wa ta'ala et que tu aies plus peur de lui. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal est celui qui entend tout et qui voit tout, qu'est-ce que cela va engendrer de ton côté au niveau de ton comportement? Naam. Tu sais que quoi que tu fasses, Allah subhanahu wa ta'ala te verra. Et quoi que tu dises, Allah subhanahu wa ta'ala t'entendra. Donc ceci va faire en sorte que tu vas sentir une proximité divine, tu vas sentir qu'Allah Azza wa Jal est avec toi par ses noms, par sa science, par sa vue, par son ouïe, et qu'Allah Azza wa Jal sait ce que tu fais, sait ce que tu dis, sait ce que tu penses, et ceci va te freiner lorsque tu seras tenté par le diable à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est d'appeler Allah Azza wa Jal par ses noms et de connaître l'essence de ses attributs pour mieux l'adorer subhanahu wa ta'ala. Wa tark at-ta'arrud lahu bir-radd, tark at-ta'arrud lima thabata 'an Allah fi kitabihi aw thabata 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi min asma'illah wa sifatihi bir-radd war-rafd. كما كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض نسأل الله العافية وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة لا يرد لفظه لكن يرد معناه فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره فهذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. Donc lorsque l'auteur dit et de délaisser toute sorte ou toute forme de contradiction, c'est-à-dire de délaisser tout ce qui viendrait contredire ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué dans son livre ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunna comme nom et attribut, il ne faut pas yani rejeter ces noms et attributs comme disent ceux qui n'acceptent pas la sunna ou comme ceux qui n'acceptent pas les hadiths ahad. Ils rejettent complètement les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala rapportés dans ces hadiths. Et ceux qui font ceci rejettent, est-ce qu'ils rejettent le sens ou est-ce qu'ils rejettent yani, les termes? Non. Il rejette tout. Il rejette les termes également car il n'accepte pas les hadiths, tout simplement. D'accord? Donc il y a deux façons de rejeter. Soit de rejeter les termes et le sens, ou soit de rejeter le sens. Et c'est ce que Cheikh Fawzan dit. وَبَعْدُهُمْ لَا يَرُدُّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Et certains parmi eux ne rejettent pas ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas les termes les hadiths, qu'ils soient ahad ou mutawatir, il les accepte. Walakin yaruddu ma'naah, mais il rejette son sens. Il rejette son sens. Faya'khudu fi at-ta'wil. Comment rejeter le sens? C'est en donnant des interprétations et en donnant des explications qui sont fausses. Et lorsque tu donnes une interprétation et une explication fausse, tu changes le terme et tu lui donnes un sens erroné. Donc autrement dit, tu as rejeté le vrai sens. Tu as rejeté le vrai sens, et ceci c'est l'exemple de ceux qui rejettent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant l'interprétation. En utilisant l'interprétation, et c'est pour ça qu'on le verra dans la suite du livre, c'est que dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne doit pas faire d'interprétation. On ne doit pas faire de ta'wil. On ne doit pas faire de ta'wil et on ne doit pas faire également de ta'til. Et les savants disent que lorsque tu interprètes de façon incorrecte, tu as rejeté. D'accord ? Quand tu donnes une explication qui est fausse, cela revient à rejeter la vraie explication et le vrai sens. D'accord ? فهما بين أمرين إما أن يرد النص ولا يقبلوه وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية فهذا في الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Ils sont donc entre deux situations, soit de rejeter les termes ou soit de rejeter les sens, soit de rejeter les sens et de donner une interprétation qui est conforme à leurs passions et à leurs égarements, ou de donner une interprétation qui est conforme avec les règles qu'ils ont eux-mêmes instaurées. Ils reviennent en fait à soumettre les textes religieux à leur raison. Celui qui interprète les versets ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les noms et attributs à sa sauce, qu'est-ce qu'il revient à faire? Il revient à faire soumettre les textes religieux, les sources divines, à sa raison qui elle est restreinte, est vouée à l'erreur, ou qui est très susceptible de se tromper. Comment restreindre des sources divines et les contraindre ou contraindre les gens à les comprendre selon ta raison à toi, selon ta façon de voir les choses à toi? فهذا في الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ceci contredit de façon claire et évidente l'obligation que l'on a de croire au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal que lui-même s'est donné ou que lui a donné son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Car de croire au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est de les accepter et de se soumettre, de les accepter et de se soumettre à leur sens et de ne pas rentrer dans les détails et de ne pas faire rentrer nos raisons. Al-wajib an nu'mina bima ja'a 'anillah wa 'an rasulihi sallallahu 'alayhi wa sallam lafdan wa ma'na an naqbal al-lafd wa an naqbal al-ma'na wa an la natadakhkhala fi ta'wilihi aw tahrifihi aw tafsirihi bighayri ma'na kama fa'ala ahlu ad-dhalal min al-mu'awwilati wal-mu'attilah. L'obligatoire, donc ce qui est obligatoire, c'est de croire en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire à la fois au terme et au sens et d'accepter le terme et d'accepter le sens, et de ne pas rentrer dans son interprétation ou dans sa déviation ou dans son explication en donnant un sens faux et erroné comme le font les gens égarés parmi les interprétateurs et ceux qui rejettent al-mu'attila, ceux qui rejettent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ou pas? Les personnes qui acceptent le nom, qui disent à quelque sens, mais en fait, par exemple, pour la tribu de la main, ils disent que Allah il a une main, mais ils disent que ça, on ne sait pas le sens que c'est. Non, ça c'est ce que les savants appellent Al-Mufawwida. Ah, c'est une secte qui s'appelle Al-Mufawwida. En fait, eux, ils disent, nous disons qu'Allah Azzawajal a une main, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne contredit pas le terme main. Mais le sens, nous le laissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a une main, mais qu'est-ce que ça veut dire une main? On ne sait pas ce que ça veut dire une main. Le terme main, c'est un terme, nous y croyons, mais c'est un terme qui n'a pas de sens. Et le sens, nous le laissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam? C'est une contradiction, et ce qu'ils appellent al-mufawwida, yani, ils sont rentrés, c'est pour ça que les gens de l'égarement entrent toujours, essaient de trouver un moyen qui pourrait être accepté des gens. Ils disent, nous, on ne dit rien sur le sens on le laisse à Allah. Et les gens de le Sunnah ont dit non. Parmi eux, Cheikh l'Islam, Taymiyyah rahimahullah, a dit non. Chaque nom et chaque attribut d'Allah Azza wa Jal a un terme qui est accepté, que l'on accepte, et a un sens qui est connu. Tous les noms. Et tous les attributs d'Allah Azza wa Jal ont un sens qui est connu et que les savants ont expliqué. D'accord? Allah Azza wa Jal a une main, on sait ce que c'est le sens d'une main. Allah Azza wa Jal a un visage, on connaît le sens du visage, etc. etc. Mais comment est-ce que est la main d'Allah Azza wa Jal? Allahu A'lam. On ne connaît pas le comment, on connaît le sens et on connaît le terme. Comme l'a dit Al-Imam Malik Rahimahullah, الاستواء معلوم و الإيمان به واجب و والكيف مجهول. الاستواء معلوم, l'établissement au-dessus du trône est quelque chose de connu, c'est-à-dire qu'on en connaît le sens. والإيمان به واجب, et nous devons y croire, c'est-à-dire à la fois au terme et au sens. والكيف مجهول, et le comment est inconnu. Et de demander comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est établi au-dessus de son trône, c'est une innovation. Donc, ceux qui disent Allah Azza wa Jalla entend ou Allah Azza wa Jalla huwa samir, mais le sens de samir, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui connaît, c'est Allah Azza wa Jalla qui se connaît mieux que quiconque. Non. C'est un égarement. Et ces personnes qui disent cela font ou entrent dans la secte de Al-Mufawwida. Entrent dans la secte Al-Mufawwida. Et c'est pour cela que nous devons nous armer de science. Car une ambiguïté comme celle-là, il faut avoir de la science pour pouvoir y répondre. Car la personne te dit, mais ça concerne Allah, laisse cela à Allah. Mais non, les termes sont connus et les savants ont expliqué le sens de chacun des noms et chacun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mutashabih dans bab al-asma'i wa sifat. Wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.